sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal. Tu voulais juste délirer. Pour ce fait, c'est la drogue que t'as trouvé. Maintenant, pour avoir ta dose, tu dois te prostituer. Et ton pauvre anus va être tout dilaté. Verré, quand tu pas dans un film vaginal. Pas de vrai amour, même si tu ne penses pas à mal. Qu'elle avance avec aisance, elle t'est bien égal. Pendant vos petits temps, tu veux rentrer dans ses annales. Tout comme la religion, tu voulais la paix dans le monde. Mais t'as monté nos sessions de viol sur la table ronde. Maintenant, le dernier foutu, on continue à montrer notre cul. On contribue à sodomiser toute la tribu. Verré, bien sûr, quand t'as la monnaie. Personne ne t'active par nécessité. Car si tu veux accumuler, c'est pour être riche, avoir un cabriolet et un petit caniche. Sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal. T'as voulu marcher sur les potes sans cercle d'inversion. Court-circuit, court les électrons. Comme des teufers se dirigeant vers le son. Et ça te paraît normal, ça te paraît normal au fond. Dérive toujours dans ce qui se passe pour la nature. Qu'est-ce qu'on va l'exploiter, l'exposer, l'arranger. Quand faudrait s'allonger dans l'herbe et l'embrasser. Un gros coup de tout, mais tout va s'arranger. Mais tu sais, on voulait s'aimer. Maintenant, ça t'attaque à chaque phrase. On voulait aller plus vite, la planète était polluée. Les protestations achevées, on s'évade avec les tasses. T'es parti à la guerre, défendre le pauvre grabataire qui savent moins se battre que se taire à cause de leurs hémorroïdes et leurs putes ouvertes. Partir à la guerre pour protéger ton petit lopataire ou pour le bonheur des fibres de l'enfer. Nous on connaît leurs intentions, leur fait gaffe à ton derrière. Sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et sainte, paranormal et ce soir, ce soir, on se met la rondelle. Ce soir, c'est un dégrogué. On s'adouille comme des gongués. Marre des pucelles, marre des pucelles. Ce soir, ce soir, on se met la rondelle. Ce soir, c'est un dégrogué. On s'adouille comme des gongués. Marre des pucelles, marre des pucelles. Ce soir, on se met la rondelle. Ce soir, c'est un dégrogué. On s'adouille comme des gongués. Marre des pucelles, marre des pucelles. Ce soir, on se bat la rondelle.